Aussi, pourquoi se refusait-elle avec une pareille obstination? 20 fois, il l'avait suppliée, augmentant ses offres, offrant de l'argent, beaucoup d'argent. Puis, il s'était dit qu'elle devait être ambitieuse. Il lui avait promis de la nommer première, dès qu'un rayon serait vacant. Et elle refusait. Elle refusait encore. C'était pour lui une stupeur, une lutte, où son désir s'enrageait. Le cas lui semblait impossible. Cet enfant finirait par céder, car il avait toujours gardé la sagesse d'une femme comme une chose relative. Il ne voyait plus d'autre but. Tout disparaissait dans ce besoin. La tenir enfin chez lui, l'asseoir sur ses genoux, en la baisant aux lèvres. Et, à cette vision, le sang de ses veines battait. Il demeurait tremblant, bouleversé de son impuissance.